mais ouais. T'entends pas. Why? T-O-N-T-C-H-A. Hey, encore un soldat. Hey, on met la pression, garçon. Hey, laissez passer la machine de guerre. Why? Je veux ouvrir les grandes portes de la gloire, mais elles bloquent. Et j'en ai marre de rapper que pour 16 blocs. Si les accès autour à double tour se ferment, je frapperai dessus à coups de crâne jusqu'à ce que le fer me saigne. Tu comprends mieux pourquoi j'ai cette sale attitude. Ça fait longtemps que j'aurais déjà dû prendre un peu d'altitude. J'ai tant de talent, plein de textes dans le pantalon. D'accord, je suis polyvalent, mais je porterai jamais de talons. C'est bien beau, mais je veux pas que revienne de grandes stars, ni baisser le 501 pour être une de ces grandes stars. Coincé en enfer, chez Lucifer en personne. Pour en sortir, j'ai gratté jusqu'à ce que mes vers sonnent. Cramant le gros mis en style libre et en parlant de crime, j'ai lustré mon blase pour faire briller mon pseudonyme. Je suis appauvri en argent, mais milliardaire en rime. TCHA, TCHA. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-E-N, ma fille trop balèze. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-E-N, ma fille trop balèze. Même si mon armure rouille, je reste chevalier vaillant, de mon sable je règne. Si on me règne, c'est que j'ai des malveillants. Je suis prêt à prendre le trône par un coup d'état et fais bien gaffe aux débris de glace après le coup d'éclat. Sur ces pages, avec mon sang, j'écris mes paragraphes. Et c'est avec rage que je plante le glaive pour moi et mon staff. Ce que je crache vient de l'estomac et du fond de mes tripes. J'ai une grande gueule, je l'assume car je les grosse dans le fond de mon slip. On m'a cru enterré, mais j'avais encore une main dehors qui bougeait quand les asticots bouffaient mon corps. Je suis revenu et tout a changé, même les ponts ont pris du bide. À force de tourner en rond, le rap français a pris des rides. On m'a secoué, moi le dragon, dans son lagon. Maintenant je cracherai jusqu'à ce que Paris sente le charbon. Cette fois-ci j'ai mis la bonne dose dans les coups de massue. T'attends pas ou quoi? Doncha. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Doncha. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-N, ma fille trop balèze. Doncha. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Doncha. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-N, ma fille trop balèze. C'est pour les belles chabines que je fais du rap lover. Et pour les bons systèmes basse dans les Range Rover. J'ai fini de dire que mes mots découpent comme un ciseau, que je suis un schizo et quand je tape il reste que ciseau. J'dis plus que je fais un tabac, que je tue comme le tabac. C'est naze de dire que ton style pue comme le groupe ABBA. Si t'as ces genres de phases, révise tes maquettes. Jette ta cassette, achète des rimes au supermarket. J'ai pas besoin de le dire, mais on sait que j'ai une longue beat. Un style de macro et que tes femmes ça vous chapite. Tu disais quoi? Tu tuais comme Hiroshima. Et que ton flow chamé pouvait débrider un chinois. Ça c'est moi qui l'ai dit. Et c'est au moins il y a 5 années. La phase est fanée, même pour un gosse de 5ème année. Tu dis que tes mots sont rapides comme Speedy Gonzalez. C'est trop pourri ça. Vas-y MC si tu poses ça laisse. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-N, ma fille trop à l'aise. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-N, ma fille trop à l'aise. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-N, ma fille trop à l'aise. Ça c'est le blast, ma fille Denja Denja. Lyrics calibrés, toujours à l'aise. Pour les bad boys, fumeurs de ganja. C'est D-O-N, ma fille trop à l'aise. Don't shout.